Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Boîte à Gants, votre émission culturelle qui part de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, pour la 7e édition, j'ai invité un groupe qui vient de sortir un album. C'est du rock celtique, ça s'appelle Sheep and Beer et on est avec le guitariste et le bassiste. À savoir, donc on a Elian, guitariste, salut, ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ben ça va fort bien. Je dis guitariste, mais tu chantes un peu aussi. Oui, guitariste électrique principal et deuxième voix lead. On alterne pas mal avec l'autre chanteur. L'autre chanteur Clément qu'on n'a pas là, mais on a Pancho qui est à la basse. Salut. Ça va? Ouais, très bien. T'es un peu stressé, c'est votre première interview? Est-ce que c'est votre première interview? Non, pas du tout. Vous avez déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait un petit peu de radio avant, on dirait pas hein, comme ça. Mais... Ah bah écoute, non, je ne savais pas. Non, ça va ça. Donc toi, basse, un peu de chant, un peu de cœur, comme ça, vite fait? Ouais, plutôt en soutien, ouais. Quand j'oublie pas de chanter, voilà, je suis là, je suis derrière. C'est donc la 7e émission de La Boîte à Gants, et ben voilà, c'est parti, générique. On est donc avec Elian et Pancho et j'aimerais, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, retracer un peu votre parcours musical à chacun, comment vous êtes arrivé là où vous en êtes, jusqu'à Sheep and Beer, on va dire. Peut-être Elian, on va commencer avec toi, il me semble que c'est toi qui as la plus longue carrière de musicien, si je dis pas de bêtises. C'est un grand mot, non, j'ai commencé la guitare assez tôt, mais j'ai à peu près rien foutu de ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je jouais vite fait dans ma chambre et je faisais pas grand chose. Parce que ça fait quoi? Ça fait 15 ans maintenant que tu joues? C'est comme ça? Un peu plus de 15 ans, ouais, c'est ça. Et du coup, alors, pas fichu grand chose de tout ça pendant longtemps et au bout d'un moment. J'en avais marre de juste jouer dans ma chambre. Mm-hmm. Je me suis rendu compte que c'était quand même. J'avais fait quelques concerts d'école avec l'école de musique dans laquelle j'étais et que c'était quand même cool, que j'avais envie de faire ça, de faire ça plus souvent. Mm-hmm. Et au cours d'une soirée un peu alcoolisée, même beaucoup alcoolisée, oui. On a eu ce délire avec une pote de se dire ça serait cool, elle fait du violon, mm-hmm. Tu la connais très bien. Oui, je la connais bien, Kenny. Et passe bonjour d'ailleurs, si elle nous écoute. Carrément. Et du coup, de se dire, ouais, toi tu fais du violon, moi je fais de la guitare, ça serait cool de faire de la musique ensemble, on avait envie les deux à ce moment-là de faire de la musique. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui rassemble ces instruments? Le rock celtique, okay. On voulait faire du rock et des trucs où il y a du violon, donc le rock celtique ça nous parlait bien, en plus on a pas mal de... Les deux, on a passé pas mal de temps à écouter ce genre de musique ensemble. Mmh. On est les deux moitié basque, moitié breton. Du coup, ça nous semblait logique à ce moment-là. Et voilà, du coup, dès le lendemain, j'étais trop chaud. J'ai appelé plein de monde, à bûcher des trucs, à appeler des musiciens, essayer de rassembler une équipe. Mmh. Et voilà, au final, j'ai commencé à rassembler l'équipe. J'avais une bassiste qui était différente, c'était la première bassiste, il y en a eu quatre bassistes. On va parler de ça après, parler du groupe ouais. En lui-même. Je vais me retourner vers Pancho d'abord. Toi, la basse, comment c'est venu? Ouais, alors moi du coup j'ai commencé par la guitare en fait à la base. Donc j'avais pris des cours à partir de ma 5e je crois. Mm-hmm. Et puis pareil comme Elia en fait, je jouais de mon côté. Alors pas du tout, tu sais, apprendre des morceaux qui peuvent être joués à la plage. Tu vois, j'apprenais des petites parties de musique, de Arch Enemy ou des trucs, enfin genre d'accord. De trucs que tu joues jamais en groupe quoi. Arch Enemy c'est du metal symphonique pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Metal mélodique plutôt. Ouais. Et du coup non, voilà, plein de petits morceaux qui comme un peu dans ma chambre. Et puis en fait la basse c'est un instrument que j'avais toujours envie d'apprendre mais un peu la flemme de faire de mon côté. Mm-hmm. Et en fait les planètes sont un peu alignées parce que du coup dans Sheep and Beer ils cherchaient un bassiste à ce moment là et donc moi je suis rentré dans le groupe en disant que je savais pas vraiment jouer de la basse mais du coup dans un mois il y a un concert, il faut apprendre 18 morceaux, bon d'accord. Let's go quoi. Mais voilà, du coup, mon entrée dans l'instrument, ça s'est fait en fait avec le groupe aussi, quoi. Et c'est cool d'en parler parce qu'en fait, je connaissais même pas trop le départ de ce groupe-là. Donc, je suis cool d'entendre Elian parler vraiment de la genèse du projet parce que voilà, je connaissais pas. Justement, peut-être y revenir. Donc, avec Kini, vous montez le projet, vous avez l'idée du projet. Toi, t'es chaud, t'appelles la moitié tout des le monde, basques. Donc, je réussis à rassembler avec Mais Chabi au tout début, qui est du coup le batteur du groupe. Chabi à la batterie, ouais. Lui, direct, on en parle au boulot et il était à fond. J'avais une bassiste, une pote à moi. Tu travaillais avec lui, avec Chabi. Je travaillais avec lui, ouais. D'accord. Et on est les deux techniciens du spectacle, là, du coup. Mmh. Et on se dit, allez, on commence à rassembler du monde. J'avais une pote à moi qui était bassiste, qui du coup, pareil, était super motivée dès le début. Et Chabi ramène Clément. D'accord. Le chanteur principal et celui qui compose aujourd'hui la plupart des trucs. À la base, c'était que de la reprise, on voulait faire que de la reprise, ouais, à ce moment-là. Et on commence à répéter dans le garage avec des amplis grattes, enfin des micros branchés sur les amplis grattes pour faire pour s'entendre un petit peu. Mm-hmm. Mais Clément d'ailleurs quand il s'est pointé, Chabi avait dit à Clément que on cherchait un guitariste acoustique, ouais, et il s'est pointé en répète et j'ai fait ah salut, t'es le nouveau chanteur. Il m'a regardé avec des grands yeux. Non, non, pas du tout, mais et pareil, il a appris à chanter du coup pour, d'accord, le groupe, enfin à chanter dans un micro et tout ça. OK. Et Kini n'a jamais rejoint le groupe. Finalement. Donc, finalement, jamais. On la remercie quand même d'avoir été là. Voilà, elle a quand même participé à créer le projet, enfin à donner l'envie en tout cas de le faire. Et au final, on a rassemblé des potes, Maider qui faisait du Tricky, qui faisait partie du groupe au début aussi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de changements de membres, j'ai l'impression, jusqu'à arriver à cette forme finale, ultime. Bah, t'as un noyau de base où t'as Chabi, Clément et moi qui avons toujours fait partie du groupe et qui mmh. Et Iban pareil, ça a été le premier violoniste et dernier, enfin il y a jamais eu de changement. Mmh. Et du coup une fois qu'on a et Maider au d'un moment a été Maider donc Tricky qui avait commencé à faire, on avait fait une première année où on avait fait pas mal de enfin quelques petits concerts, c'était assez mmh. Et qui au bout d'un moment est retourné habiter vers Saint-Palais, donc ça devenait compliqué de répéter avec nous, de venir répéter toutes les semaines. Du coup, elle a quitté le groupe. La première bassiste a quitté le groupe parce que, juste avant qu'on commence à faire des concerts d'ailleurs, parce qu'elle partait en Irlande. Ouais, ouais. Elle a été remplacée par Ornella, du coup, la deuxième bassiste, qui au bout d'un moment est partie vivre à Rennes. Et du coup, ouais, les femmes se sont barrées du groupe. On a eu un pote à nous, Thomas Longfoss. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Qui a fait un concert avec nous. Pareil, on lui a dit... À la basse toujours, hein. Ouais, à la basse. On lui a dit, t'as deux semaines pour apprendre 18 morceaux et démerde-toi. Ce qu'il a fait avec brio pour un concert à Aldaboulouin. Et à partir de là, Punch nous a rejoints et l'équipe a plus changé depuis. Ça fait maintenant quand même 3 ans, il me semble. J'ai vu ça, j'ai vu la date de création 2019 sur internet, moi il me semble que c'est quand même vachement plus vieux. Ouais, c'est plus vieux, mais ce groupe-là, en tant que tel, cette équipe-là, ça doit faire 2019 à peu près, ouais. Il me semble que c'est ça. Je m'étais noté que vraiment le début de lancement de projet, je crois que c'était vers 2017 ou quelque chose comme ça qu'on voulait lancer. C'est ça. Et moi je suis arrivé en 2019 et puis juste après Covid, quoi. Donc c'était à peu près ça, quoi. On va parler de tout ça, n'inquiétez pas. Avant qu'on va quand même faire écouter aux gens une première chanson, c'est la toute première de l'album qui s'appelle, attention, accent, Where Did the Ship Sleep Last Night? Voilà, merci à vous. et on va écouter ça, et puis de ça, on va en parler après tranquillement. You and I get on well, you and I are going to hell. I shoot down the house, then that you and I, we have no brand. But you and I are some skills, and you and I will pay some ways. Too big what you're sick, as you and I, we drink freely. Yeah. Where Did the Ship Sleep Last Night? Je vous remercie vraiment pas pour ce titre. Donc ça raconte, si j'ai bien compris, le fait que le chanteur dort n'importe où, n'importe quand. Alors, c'est pas forcément le chanteur, c'est, même à la base, c'est même pas le chanteur, c'était plus inspiré par certaines péripéties du violoniste, et on a glissé là-dedans, en fait, plein d'histoires, toutes les histoires qu'on pouvait, de quand on fait une soirée qui s'éternise, et qu'au bout d'un moment, l'alcool aidant, on s'endort un peu n'importe où. Ouais. Et en fait, plus on la joue, plus on passe des concerts ensemble, plus on vit des choses ensemble, et plus on se dit qu'on pourrait rajouter à chaque fois des petits couplets, parce qu'il y a toujours des petites scènes qui réapparaissent dans notre quotidien. Donc, mais ouais, du coup, en fait, même nous, en fait, on l'appelle même plus comme ça le morceau. On oublie qu'on l'a appelé Where Did the Ship Sleep Last Night. Référence à Nirvana, j'imagine. Non, même pas. Même pas du tout. Je dis Nirvana, je crois que c'est une reprise Nirvana en plus. Ouais, mais non, c'est parce que ça parle de où est-ce qu'on s'est endormi, enfin où est-ce que en gros ça concerne généralement Iban. On a souvent cette question où est Iban, parce que on sait jamais trop où il est. Pour tout vous dire, j'ai failli faire une question juste sur Iban. Pour raconter comment c'est de vivre avec lui. Et puis j'ai pas osé. C'est très cool, mais ça engendre beaucoup de péripéties du coup. On va passer aux anecdotes un peu plus tard. J'aimerais vous demander déjà Ship and Beer, le nom, d'où ça vient? Ah, la bonne question. Ah mais du coup, vu que c'est du... Elian est parti rigoler. Ouais, ouais. Vous voyez pas, je suis obligé de raconter du coup. Ouais, du coup, en fait, Ship and Beer, vu qu'on fait du rock celtique, et puis on a souvent, quand même en tête le côté un peu irlandais quand on essaie de composer et tout ça, donc on est un peu, en tout cas, c'est un peu l'ADN dans lequel on essaie un peu de pas trop s'éloigner, mais du coup, un peu dans les clichés, l'Irlande, quoi, les moutons, et puis Irlande, bière. Après, on fait pas défaut sur le nom, sur la bière, en tout cas, on... Ouais, ça en tout cas, on va pas nous reprocher de pas honorer notre nom, mais voilà, du coup, c'était assez... Enfin, il me semble, en tout cas, j'étais c'était pas... C'était un peu... ouais, c'est ça, c'est juste qu'on on s'est dit... on veut faire de la musique, un mélange entre la musique qu'on a chez nous, c'est-à-dire au Pays Basque. Il y a quand même vachement de similarités avec les musiques celtiques et irlandaises. Ouais. Et du coup, on s'est dit, mais il y a quoi en commun entre le Pays Basque et l'Irlande? Les moutons et la bière. Et en fait, ça s'est arrêté là. On a passé tellement de temps à trouver ce nom de groupe qu'on était là. Ship and Beer, ouais, c'est rigolo. Il y a un petit côté, Ship and Dance ou je sais pas quoi. Et du coup, ça donne plein de. Ship and Dale. Ouais, Ship and Dale, ouais, c'est ça. Je m'en rappelle jamais. Mais du coup, il y a un petit côté rigolo. On va garder ça. Et peut-être qu'il va y avoir des déclinaisons à venir, parce qu'on sait que Elian ici présent déteste le reggae, donc on s'était dit que peut-être qu'on allait recréer notre groupe de musique appelé Ship and Weed, et on ferait des reprises de notre propre groupe juste pour emmerder Elian. Voilà. En reggae du coup. En reggae. Tu disais tout à l'heure que vous avez débuté comme un groupe de reprises. Ouais. Et que les compos sont arrivés après. Comment s'est passée la transition? Déjà, pourquoi des reprises dès le début et pourquoi pas faire des compos direct? Parce que c'était facile. C'était vraiment facile. On voulait, l'idée, c'était de jouer, quoi. Voilà, le but, c'était de jouer, de faire des concerts, de s'amuser. Et en fait, très vite, je crois que même le premier... en fait, on a répété pendant à peu près un an. Puis on a commencé à faire des concerts. Et en fait, dès qu'on a commencé à faire des concerts, on s'est dit... on a fait un concert, on s'est dit merde, il faut composer, il y a des trucs. Clément il avait la bougeotte aussi là-dessus, ça faisait longtemps qu'il rêvait de composer pour un groupe et tout ça. Là il avait enfin des gens à qui proposer ses idées, parce qu'il composait beaucoup. Et ça a commencé du coup avec une chanson qui s'appelle Ship and Beer et une autre qui s'appelle Beer. Ouais, on était pas très... on était pas très... Alors, le brainstorming, ça dure 2 secondes chrono. Avec trois packs de bière. C'est généralement, voilà, autour d'une bière, dans un bar. T'as une idée? La bière? Oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on a... voilà, ça a commencé à nous démanger. On savait qu'on adorait jouer ensemble. On passait vraiment... En fait, on est tous devenus... à la base, on était plusieurs à pas se connaître. Et on est tous devenus extrêmement proches. On est tous... Enfin, Clément, maintenant, c'est mon meilleur pote. Punch, c'est un super pote à moi aussi. Chavi, c'est un super pote. Ça fait mal d'arriver après Clément ou pas? Ouais, il est arrivé plus tard dans le groupe. Du coup, il a pas encore assez d'histoire. C'est juste parce que je suis bassiste, sinon... Et Chabi, si Chabi, si tu nous écoutes, bah, c'est, on t'a oublié, il fallait venir. Non, j'ai parlé de Chabi. Mais ouais, du coup, tout le monde, on est vraiment devenu une bande de potes. On ensemble tout le temps, on fait tous nos apéros. Enfin voilà, on est très souvent ensemble, on est devenu des potes et du coup, on voulait faire plus et on a commencé. Quand Clément a commencé à nous proposer ses compos, en fait, on a tous adoré. Les compos étaient nous parlaient beaucoup, son écriture nous parlait beaucoup. Du coup, on s'est dit, ben ouais, on y va, on se lance là-dedans. Il y en a eu de plus en plus. Au bout d'un moment, on s'est dit, ben on en a assez pour faire un CD. Et confinement, quoi. Parce que tu disais que maintenant c'est Clément qui compose le plus. Ouais. Mais si c'est toi et Kini qui avaient sorti le groupe. Presque dans le chapeau en disant on va faire de l'irlandais, c'est-à-dire que lui, toutes ses compos n'étaient pas pensées pour faire la musique irlandaise. Lui, en fait, il les a composées la plupart pendant qu'on jouait. Et généralement, quand il nous propose des morceaux, ça ressemble plus à de la folk guitare-voix. Il y a vraiment. Il y a certaines chansons où il arrive avec des mélodies, mais très souvent. Quand ça arrive, c'est vraiment une chanson folk guitare-voix assez cool, enfin il y a toujours de l'intérêt sur les textes et sur tout ça, mais en fait c'est une fois qu'il balance ça au groupe, chacun rajoute sa sauce. D'accord. Et c'est ça qui fait que au final on se retrouve à avoir une chanson qui est assez cohérente avec le style, parce que quand ça arrive en répète, ça ressemble pas du tout pas toujours à du Celtic, en tout cas. D'accord. Donc c'est vraiment des trucs pensés pour l'acoustique, quoi. Lui, parce qu'il est arrivé très tard, je crois, qu'une guitare électrique, jusqu'à assez récemment. Il avait encore une guitare folk, une 12 cordes, je crois. Ouais, il joue toujours avec. Sur scène. Et donc, lui, c'est vraiment son truc, c'est la folk, la guitare folk. Ouais, à la base, c'est la folk, ouais. Ouais, ouais. Après, là, on est quand même pas mal dans l'exploration d'autres instruments. Il a commencé aussi à prendre la mandoline, ils ont aussi à tester le bouzouki irlandais. Après, ce qui est plutôt cool avec ce style musical de rock celtic, c'est que le prisme, il est assez large, en fait. On peut être sur une balade irlandaise, on peut être sur un truc de rock un peu plus péchu, des trucs un peu limit hard rock, en fait. Et du coup, vu que le prisme, il est assez large, on s'interdit rien pour l'instant. Du coup, dès qu'il y a une proposition un peu créative, justement, qui démarre un peu de folk et de voix, enfin, généralement, il n'y a pas beaucoup de difficultés à accepter le projet et puis après de le mettre un peu à la sauce Chipambir, mais pour le coup le style musical permet aussi d'être assez tranquille sur les premières possibilités, enfin les premières propositions sont plus faciles, quoi. D'ailleurs, les influences, moi j'ai l'impression que c'était pile entre Dropkick Murphys et les Pogs, c'est-à-dire que Dropkick Murphys c'est vraiment truc saturé, c'est du bourrin, c'est en avant la gueule, et les Pogs, il y a côté The Pogs où il n'y a pas de guitare saturée, c'est très acoustique, c'est très sur des balades, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce juste milieu entre les deux, c'est volontaire, c'est juste, ça arrive comme ça. Moi j'ai l'impression que ça dépend des propositions, parce que dans l'album en tout cas on avait 9 chansons, enfin on a 9 chansons, je pense qu'une bonne majorité c'est Clément qui les propose, mais il y a une chanson, c'est Elian qui avait démarré Military, qui est du coup plus dans son style en fait, un peu rock, un peu hard rock, quoi, et puis il y en avait une qui était vraiment à l'initiative de Iban, le violoniste, donc forcément ça prend beaucoup plus une coloration en fait de gigue irlandaise et voilà, de trucs un peu dansant, et suivant qui la propose, déjà ça peut amorcer d'un style un peu différent, et après c'est vrai qu'on essaie aussi de composer au regard des paroles ou de la thématique, donc ça influence aussi là-dessus. Voilà, on est toujours dans cette espèce d'équilibre à trouver un peu la place de chaque instrument, vu qu'on est 5, quoi, ça fait un petit nombre, mais il faut pas non plus que tout soit d'un coup, tout se submerge, enfin, qu'on entende un peu tous les instruments et que c'est une cohérence par rapport au son aussi, donc ouais. Vous essayez quand même d'uniformiser un peu pas d'uniformiser le style, mais de rendre cohérent toutes les chansons entre elles qui viennent pas forcément des mêmes sources. Ouais, et en fait ça vient assez naturellement, parce que quand on compose et tout ça, t'as un peu le bon, la brute et le truand. T'as Clément qui arrive avec des trucs assez calmes, guitare-voix. T'as Iban qui veut rajouter du violon dans tous les sens et de la mélodie, des sous-mélodies, des troisièmes voix. Et t'as moi qui arrive à vouloir mettre de la bûche, du bourrin et de l'impact, de la grosse saturation et tout ça. Donc ça se fait naturellement, t'as vraiment ce mélange des trois. Je pense que, en tout cas, dans la coloration, t'as vraiment ces trois univers qui se mélangent assez bien, quoi. Et du coup, ça vient tout seul. On essaye de faire quelque chose de cohérent. Pour avoir été au mastering et avoir présenté ça à quelqu'un qui voit beaucoup de groupes passer, ça a été compliqué de trouver une couleur, de mettre la couleur précise, parce que ça, selon les chansons, ça part vraiment dans plein de directions, quoi. D'ailleurs, quand vous composez, vous pensez à quoi ? Vous pensez à la scène ? Vous pensez à un album ? Enfin, un truc studio propre ou c'est vraiment, on est en voiture scène, il faut que ça tabasse ? C'est, en fait, je pense que chaque chanson, enfin, franchement, ça, j'ai l'impression, en tout cas, que à la fois la composition et puis à la fois, enfin, tout émane de la thématique de la chanson et ça compose là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a des morceaux, enfin, plus on les travaille entre nous, plus cette question, à la fois, enfin, de la composition musicale, mais aussi derrière de l'aspect scénique intervient. Et puis, de toute façon, en fait, les chansons, on les propose quand elles sont pas du tout abouties. Donc, du coup, dès qu'on a des créations qui sont à moitié ficelées, on les propose sur scène et puis là, on se rend compte de ce qui pourrait manquer, ce qu'on pourrait rajouter, tout ça. Et donc c'est sûr que même maintenant, quand on en parlait dans la voiture là tout à l'heure, mais entre le CD qu'on a actuellement et les musiques qu'on propose en live maintenant, en fait, on a changé pas mal de choses parce que du coup on ressentait le besoin de, bah là on mettre un break là, plutôt de faire deux fois les chœurs parce que les publics ne captaient pas le temps de digérer les choses, et du coup il y a cet aspect scénique qui se mature avec le temps, mais voilà, moi en tout cas j'ai plutôt l'impression que la chanson elle évolue musicalement par rapport à ce qu'elle veut évoquer, quoi, à la base. D'ailleurs vous avez donc 9 chansons, 9 compos, mais tu parlais tout à l'heure de 18 chansons. Vous continuez à faire des reprises sur scène ? Ouais, on continue à faire... La moitié du coup à peu près ? Ouais, il me semble qu'on arrive à la moitié à peu près. Et il y a beaucoup de reprises aussi qu'on a quand même bien arrangées à notre sauce. Et on essaye vraiment de... Maintenant, si on fait les reprises qu'on fait en live, on essaye que ce soit des reprises qui nous parlent, qu'on aime jouer. Il faut vraiment qu'on s'amuse dessus, qu'elles aient quelque chose à apporter au set. Il y en a certaines qu'on a du mal à enlever, mais voilà, le but c'est qu'on veut pas s'interdire de faire des reprises, on s'interdit d'en rajouter dans le set, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus de nouvelles reprises, on garde celles qu'on avait, et le but c'est de rajouter maintenant que des compos, et possiblement d'arriver à un set que de compos. Mais voilà, les reprises, c'est un moyen aussi. On nous demande souvent de jouer assez longtemps, de jouer des trucs. Il y a des chansons qui sont assez demandées aussi dans ce style. Il y a besoin de rappeler. Enfin, on nous demande encore ça, donc on les joue avec plaisir, mais on joue que celles qui nous font marrer, quoi. Combien de temps vous avez votre set ? Combien de temps ? À peu près 2 heures, je pense. 2 heures ? Ouais. Ah oui. Max, si on parle beaucoup, micro. Gros set, quoi. Ouais, ça va. Bon, après c'est parce qu'on parle on parle un peu au micro aussi, mais après aussi je pense que c'est important de enfin important, après là, si on a que des compos tant mieux, hein. Mais c'est aussi cool d'avoir des reprises parce que ça permet aussi aux gens de s'y retrouver, de connaître quelques morceaux, de pouvoir aussi pas avoir, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de compos où des fois il y a 3 morceaux en un parce qu'il y a des différents passages, et donc du coup des fois on a un peu peur de perdre les gens sur certains morceaux, mais du coup d'avoir certaines reprises un peu connues, ça permet aussi de faire interagir le public et de pouvoir être un peu plus aussi avec eux de temps en temps, quoi. Donc on a essayé vraiment de là trouver un équilibre entre tout ça et de faire une setlist qui permette aussi de suivant on s'est dit après ce morceau là on va certainement canaliser les gens, après on va essayer de les faire interagir, après ça on peut se permettre de remettre on essaie de trouver un peu un équilibre dans le set pour que au niveau du public ça se passe bien aussi, quoi. Tu disais morceaux connus, pour avoir quelques exemples qui ont pu parler à tout le monde. Sheep de The Real Mackenzie, je crois que c'est. Ouais. Sheep. Dropkick and Murphys, elle a fait un Shipping Him to Boston. Après, Fiddler's Green, le groupe est peut-être pas super connu, mais ils ont fait une chanson Down qui est un peu une reprise de Bella Ciao. Donc pour le coup, là, même si les gens connaissent pas la chanson, Bella Ciao, ça marche. Après, les classiques Dirty Holton et Wild Rover. Ça, Flogging Molly, voilà. Drunk and La Blaze, des chansons qui vraiment, je pense, Drunk and La Blaze, c'est celle qui, et Dirty Old Town, c'est les plus demandées. En tout cas, ça arrive vraiment, quoi, souvent qu'on nous les demande. Et c'est celle qui, c'est des chansons, c'est des reprises assez importantes et aussi qui, du coup, nous ont pas mal inspiré à arriver, et qui nous ont permis d'arriver là aujourd'hui, en fait, de jouer ces trucs-là. On s'est mis dans les pattes, on se les a appropriés. Et on s'en est servi pour composer nos trucs. Donc, parce qu'il y a quand même une gymnastique particulière dans la musique celtique. Genre les rythmiques des accords, les mélodies, tout ça, c'est très spécifique. Ça a été dur d'arriver à trouver quelque chose qui soit... tu dis, tiens, ça c'est l'Irlandais. Le but, c'est vraiment pas qu'on se dise, ça c'est l'Irlandais. Mmh. C'est qu'on se dise, il y a une inspiration celtique et tout ça. Mmh. On s'impose pas de faire quelque chose qui sonne vraiment... absolument 100% irlandais. En tout cas, on s'impose de moins en moins. On a fait parfois cette erreur, notamment au tout début. Mais maintenant, c'est vraiment... On a notre fil conducteur et on sait que déjà à partir du moment où on joue quelque chose ensemble, ça va avoir la couleur du groupe, parce qu'il y a Iban qui a sa façon de jouer, parce qu'il y a Clément qui a sa façon de composer, donc voilà, et puis l'Irlandais, enfin vraiment la musique celtique, t'en retrouves dans absolument tout, quoi. C'est fondateur, ça participe énormément au celtique, le celtique participe énormément au blues, à la country, du coup les bases du rock, t'en retrouves pas mal dans la folk, t'en retrouves vraiment partout, et c'est pas difficile de donner le côté irlandais, quoi. Okay. Le côté celtique, ça vient tout seul, et maintenant on le cherche même plus, quoi. Ça vient dès que tu composes et que tu mets du violon dedans, tu retrouves très vite des trucs comme ça, quoi. Mais je pense que des fans, des puristes celtiques doivent parfois s'arracher les oreilles, parce qu'on connaît même pas vraiment bien les codes, quoi. Après aussi, je parle vraiment au nom du groupe, mais je sais que par rapport aux violonistes, on a un peu cette culture commune. Voilà, je sais que moi, un de mes premiers CD quand j'étais petit, c'était Xolotan Bele, un groupe local ici au Pays Basque. Dont j'ai fait un chrono bio que vous pouvez retrouver sur le site de Radio No Culture. Voilà, tous rejoints. J'ai bien passé, t'as vu ça? Impeccable. Et du coup, effectivement, là, ils faisaient du celtique aussi au Pays Basque. C'est quand même baigné un peu dans notre esprit quand on joue. Finalement, des fois, on se rapproche un peu de Xolotan Bele dans notre manière de composer les gigues ou les trucs comme ça. Mm-hmm. En fait, parce que c'est vrai que là, depuis le CD, justement, qu'on évoquait aussi les reprises, mais en fait, entre les compositions du CD et les reprises qu'on fait, il y a aussi pas mal de gigues qu'on a créées. En fait, depuis, on a trois passages en fait dans le concert où on fait que de l'instrumental, et dont l'intro qui dure, je crois, 8 minutes. C'est juste de la musique comme ça, gigue. Est-ce que tu pourrais préciser ce que c'est une gigue pour les gens qui ne savent pas du tout? La définition, je vais me faire taper. C'est vraiment un morceau vraiment instrumental qui aura cette connotation un peu de faire danser les gens, avec cette connotation un peu celtique. Après, je ne sais pas la définition exacte, et je pense qu'on l'écrit tout le temps mal sur la setlist d'ailleurs. On l'écrit J. IG, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Enfin, bref. Je crois pas. C'était la blague entre nous, mais voilà. En écoutant les vieilles dames, qu'on écoutera après dans l'émission, j'ai trouvé un aspect très breton. Ah ben, complètement, c'est la chanson. C'est volontaire, comment c'est sorti Déjà, c'est la seule chanson du CD en français. Donc, ouais. Déjà, elle a un côté un peu plus. Ça rappelle pas plus de groupes français ou bretons, tu chantes en français et tu fais de la musique celtique derrière, déjà t'es sur ça rappelle les Ramoneurs de Menhir, ça rappelle tout ça, ouais. Et c'est Mat-Mata, sur le phrasé assez rapide, ouais. qui parle même le sujet, les vieilles dames. Quand j'étais allé en Irlande, souvent ça parlait de ce genre d'espèce d'anecdote, quoi, de tranches, ouais, de vie de breton, et je me disais, vous avez pensé à vous dire, tiens, on va faire un truc vraiment bretonnant, et encore une fois, c'est venu pas après. L'initial, je pense que c'était vraiment dans, parce qu'à l'initial, le démarrage, on fait chanter, ouais, les gens, en fait, et ça, c'est vrai que ce passage de chanter, en fait, je trouve qu'il ressemble vachement à Mat-Mata ou des groupes comme ça, ouais. Et en fait, à l'initial, il n'était pas, quoi, donc ça a vraiment démarré du texte brut, justement, sur ces personnages un peu atypiques qu'on peut croiser dans notre propre ville, dans l'occurrence, nous, c'est Bayonne, et du coup, c'est un peu des anecdotes personnelles, mais en même temps, c'est pas non plus suffisamment précis pour que ce soit vraiment un truc trop personnel, et en fait, les gens peuvent un peu s'identifier des personnages dans leur propre ville, quoi. Et je pense qu'en fait, justement, ça fait partie des musiques qui a beaucoup évolué, plus on l'a joué entre nous, plus on l'a joué sur scène, et en fait, donc maintenant on a trouvé un petit équilibre là-dessus, mais effectivement, ce côté un peu Mat-Mata, il est venu plus tard, en fait, dans la composition, dans l'arrangement du morceau, quoi. On va faire une deuxième petite pause, on va écouter The Graves. Oh. Oh. Je trouve très intéressante, elle change un peu de l'idée qu'on se fait du rock celtique, ouais, qui est très bourrin, tout ça. Là, c'est vraiment c'est calme, une espèce de balade maritime, j'ai l'impression. Ouais, mais justement, celle-là fait partie dans ma tête, en tout cas, des morceaux qui, genre, il y a trois morceaux en un, quoi. Mais vraiment, d'accord, vraiment, voilà, c'est aussi s'autoriser à pas sortir un peu des codes et pas de se dire qu'on fait que de l'efficace et que des choses, ouais, qui s'apparentent un peu aux reprises qu'on peut avoir, mais aussi s'autoriser à vraiment faire de la création. Et pour le coup, là, c'est vraiment une grosse création, quoi. Pour le coup, c'est la plus compliquée à se placer dans le set. J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup la jouer. Je trouve qu'elle ça a été sûrement une des plus intéressantes de l'album. Mais en effet, elle est très différente, et même à placer dans le set, on sait jamais trop comment la placer. On a peur de perdre les gens, mm-hmm, et en même temps, Enfin voilà, on les récupère en cours. Donc, Et des fois, en fait, c'est surprise, ça cartonne complètement. Quoi. On va écouter ça, comme ça vous allez faire un avis, et puis on va parler tout ça juste après. The Graves. After long travel and some violent storms, after having avoided the mermaid's call, we saw a wonderful limb. The offense of age and fair treatment accorded to the Irish nation. Should say The Graves, on est toujours avec Chipenmir, avec Pancho et Lian. Ça veut dire quoi, The Graves? Les tombes. Les tombes, ah bah oui, évidemment. Les tombes, oui, c'est... Oui, c'est ça. Une chanson qui fait, je trouve, très, très maritime. On entend presque au début presque les cordes craquer dans un vieux navire, un truc comme ça. Je sais pas s'il y a tout un truc qui tangue un peu. Ouais, ouais, c'était voulu. Puis même au niveau de la basse aussi, il y avait cette volonté de faire une grosse basse qui met une grosse nappe aussi, avec qu'on ait le sentiment que justement du côté un peu maritime, mais aussi on sent la tempête. Enfin, on sent que voilà, c'est pas tranquille, quoi. Ouais. Du coup, côté paroles, là pour le coup, on reste sur du assez classique irlandais. Le côté maritime. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler d'autre? Alors, c'est quoi la thématique principale, on va dire, cette chanson groupe. Elle parle pas de la mer. Ouais, mais en fait, c'est une espèce de métaphore aussi, parce que, ouais, effectivement, il y a le côté un peu maritime, mais c'était plus, effectivement, ça parlait plutôt du conflit, du coup, IRA et Angleterre, c'est ça, je crois, il me semble, ouais. dans la composition, c'était plutôt par rapport au conflit armé. Alors, c'est une thématique qui revient aussi dans une de nos compositions Militari, c'est plutôt Elian qui pourrait en parler, parce que c'est lui qui l'a lancé, mais voilà, sur le fait d'être, qu'on se bat pas pour des décisions qui nous appartiennent pas, en fait, et donc ça fait partie en tout cas des thématiques un peu récurrentes. Ça peut être le côté maritime, le côté effectivement de la guerre, après l'alcool très très très présent très très très très très présent. Clairement, il y a beaucoup de personnages dans les chansons et ils sont tous alcooliques donc ouais, donc voilà, grosso modo un peu thématique qu'on aborde, quoi. On parlait tout à l'heure des vieilles dames. Et de Where, on a écouté aussi, je vais le redire, Where Did the Ship Sleep Last Night. Vous parlez d'anecdotes, vous avez des petites anecdotes à nous raconter, parce que j'ai l'impression que c'est quand même, vous parlez beaucoup d'espèces de votre vie, un peu tous les jours, et je sens qu'il y a quelques conneries à dire. Il y en a tellement. Non, mais après, nous, c'est lesquels on peut dire, c'est surtout ça. Non, mais dans les... On n'est pas très écouté, tu peux y aller. Non, dans les softs, il y avait, c'est vrai que, bon, Iban, voilà, ça fait quand même partie de notre personnage, du coup, dans le groupe, qui est un peu, voilà, imprévisible, on va dire. Iban, c'est le violoniste, tout à fait. Qui joue merveilleusement bien, mais qui du coup est très volatile, en fait. On sait jamais trop ce qui va se passer avec Iban. Et donc, on faisait les enregistrements, on avait passé toute une journée à enregistrer juste les chœurs. Et donc, on l'attendait, je sais plus, peut-être rendez-vous à midi, je pense. Donc, il arrive à 16h avec un banjo, en voulant rajouter un banjo dans un morceau. Et puis, lui, ça paraissait tout à fait normal. Et en vrai, c'est cool, parce que du coup, parce qu'en fait, bon, maintenant, on sait comment il est, on fait en fonction. Mais du coup, il apporte vraiment ce truc où, en fait, voilà, il réfléchit beaucoup, en fait, à la musicalité des choses, et du coup, s'il manque un instrument et qu'il propose, généralement, c'est pas déconnant comme idée, quoi. Donc voilà, c'est toujours, on sait jamais ce qui se passe. C'est le moment où il propose, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Là, on a eu, on a passé quand même, ça fait un mois qu'on joue tous les week-ends, enfin un mois et demi, ça fait cinq, on a enchaîné cinq concerts en cinq week-ends, et on savait jamais quand Iban allait se pointer au rendez-vous, on essayait de l'appeler. Il arrivait pas. Il y a eu un concert qu'on a fait au Page, au point d'accueil jour à Bayonne, un petit concert où on s'était lancé un défi, on s'est tous lancé le défi de jouer des instruments qui n'étaient pas les nôtres. Et de jouer, il y a plusieurs morceaux où on jouait que à trois. Par exemple, on jouait pas tous ensemble et globalement en acoustique, donc pas de batterie. Ça donnait quoi du coup? Qui jouait quoi? Alors, ça fait que, du coup, moi, je me suis mis au bouzouki pour ce... Le bouzouki, c'est une espèce de guitare 4 cordes. Non, ça dépend de... C'est en gros, tu prends une mandoline. Et ouais. Donc, c'est le même principe avec les cordes doublées et tout ça. Sauf D'accord. que c'est vachement plus grand. Ça a la taille plutôt d'une guitare. Okay. Mais ça a la même forme et la même et le même c'est le et le même accordage et tout ça. C'est du 2 x 4 cordes. C'est 2 x 4 cordes, c'est D'accord. ça. Donc, toutes les cordes sont doublées. Et... c'est exactement, elles sont accordées exactement pareil, sauf que elles ont chacune est toujours un petit peu selon comment t'appuies dessus, sonne, et elle va toujours sonner un tout petit peu différemment des autres, du coup ça va faire une espèce de chorus qui est vachement sympa. Et si on l'avait eu, on en aurait mis sûrement beaucoup plus sur le CD. Comment t'accordes ça? T'es comme une guitare? Histoire de pas te perdre Non, tu l'accordes comme un violon. Je sais plus ce que c'est. Donc il faut quand même que tu fasses une mécanique dans ta tête pour retrouver. Je connais quatre accords qui me permettent de faire les deux chansons que j'ai appris pour le concert. D'accord. Et j'ai appris les mélodies du coup par cœur, parce que tu joues beaucoup plus de mélodies avec cet instrument. Clément, pour ce concert, s'était mis aussi à la mandoline. Okay. Du coup, Panche et Chabi, il me semble que vous avez inversé, ou vous avez voulu inverser, mais vous ne l'avez peut-être pas fait pendant le concert. Ouais, et puis les bassistes, c'est des branleurs, donc ils sont restés à la basse. Voilà, exactement. Donc Chabi devait passer à la basse et Panche devait passer aux percussions, sauf que bon. On n'a pas fait du coup. Dans l'instant du concert, ça ne s'est pas fait. Et Chabi. Ivan. Et Ivan, du coup, a joué pas mal de mandoline aussi. Ok. Et voilà, je crois qu'il est resté sage. Et donc, l'anecdote, c'était que. Et l'anecdote, c'est que le concert devait commencer à 16h. Ouais. Et Ivan est arrivé à 16h15. sachant qu'on avait donné rendez-vous à 15h. Ouais. même avant, à 14h pour être sûr que tout le monde soit là à 14h30. Et au final, on est tous arrivés vers 14h30, sauf. Sauf Ivan qui s'est pointé vraiment. Et il est arrivé avec son violon, la mandoline, et puis on a fait un concert qui était vachement sympa. Et très différent, du coup, le but c'était vraiment de se mettre en danger. On y allait pour faire un petit concert tranquille, et ça a été sûrement celui où on a le plus bossé. C'est-à-dire que moi je suis venu avec. Au lieu de venir avec deux guitares électriques. Mm-hmm. Pour en avoir une de rechange et tout ça. Je suis venu avec un bouzouki, une guitare acoustique, une guitare électrique, l'ampli, le pedalboard. Plus de bordel que quand on fait un concert, électrique. Donc du coup, moi j'ai raté l'exercice clairement. Et vous avez fait vos chansons, vous avez repris vos chansons différemment? Nos chansons et les compos qu'on avait, celles qui nous intéressaient en fait. On a vraiment fait une sélection des morceaux qu'on trouvait intéressants à jouer en format acoustique et en réduisant... au maximum, c'est-à-dire quand on pouvait être trois, on était trois, quand il y a eu même des morceaux où c'était que Clément et Ivan. Okay. Du coup, c'était un exercice vachement sympa. Mais en plus, dans ce format un peu acoustique, c'est pas souvent qu'on le fait, mais ça permet aussi de laisser un peu de place entre les instruments et de voir un peu ce qui est superficiel dans nos manières de jouer en général, enfin normalement on va dire électrifié, et du coup aussi de plus entendre les voix, de plus se rendre compte en fait de ce que chacun joue, et cet exercice là au-delà de changer un peu les instruments aussi, c'est aussi de prendre un gros recul en fait sur ce qu'on fait normalement quoi. C'est plutôt cool. Les vieilles dames, ça parle des vieilles dames de Bayonne vraiment, ou c'est que de l'invention, ou ça part d'où ça? Alors c'est absolument 100% vrai. C'est Clément qui s'est pointé un jour en disant « Punaise, la dernière soirée qu'on a fait, j'ai recroisé cette dame que je voyais tout le temps à Bayonne, qui est toujours soit alcoolisée, soit... enfin qui est, qui est toujours dans un état second et qui fait n'importe quoi, et j'ai envie de raconter cette histoire, et du coup j'ai écrit des paroles qui parlent un peu tous les vieux, toutes les ces personnes âgées qui sont au final assez décalées, parce qu'on on a généralement l'image des personnes âgées assez calmes et tout ça, et du coup de ces personnes âgées à moitié qui ont un truc à part et qui sont au final vachement attachantes et qui sont des points de repère aussi. On sait que quand on va au bar, on va croiser les trois vieux assis dans le bar qui sont tous arrivés. Ils ont commandé un verre de rouge pour regarder leur match de foot. Ils ont commandé un verre de rouge et ils ont le cubi de rouge sous la table, qui fait que du coup ils se resservent à l'infini. Ils restent là pendant 4 heures, ils finissent torpillés, le barman il a pas compris. Mais je leur ai servi qu'un verre de rouge chacun. Et justement, coup, on les a croisés là récemment avec Clem, et bon, Clem, même s'il a composé, après il est un peu timide, donc il n'osait pas forcément d'aller voir ces gens-là et de leur dire, on a fait une chanson qui parle de vous, et du coup, ça succédait tout ça. Et du coup, j'étais parti, en fait, je suis parti essayer de discuter avec eux, leur faire comprendre, je sais pas s'ils m'ont compris, enfin, moi, c'était déjà bien torpillé, quoi. Du coup, on a pris une petite photo avec eux, c'était magique, quoi. Avant de presque finir cette partie de l'émission, parce qu'on en est à 45 minutes déjà, on va faire ça en deux parties, donc vous pourrez écouter vos auditeurs la seconde partie dans deux semaines. J'aimerais qu'on parle de langue. Vous avez choisi de chanter principalement en anglais. Je vais y arriver. L'anglais, c'est quoi? C'est la facilité du... les Irlandais, ils font comme ça, donc on fait pareil Un peu, ouais. Et à la base, en fait, on a on avait un peu tous ce postulat hein, de base qui est que il y a qu'un seul groupe de rock qui a réussi à faire du rock en français, en chantant en français, c'est Nordaise. Mmh. Et jamais on n'arrivera à ce niveau-là. Matmata aussi. Ouais, mais à la base on était parti avec cette idée-là. Matmata, c'est moins proche de ce qu'on écoute. Et en tout cas de ce que l'équipe de base écoutait. Donc au départ on avait un peu imposé l'anglais. Et là, sur les nouvelles compos et tout ça, on s'est rendu compte par Les Vieilles Dames, qui est sûrement la dernière chanson composée de l'album, qu'en fait Clément a une putain de plume en français. Mm-hmm. En tout cas, moi j'adore sa façon d'écrire en français. Je pense qu'on adore tous, on est tous fans de. Parce que c'est Clément qui écrit la plupart des paroles. La plupart des paroles, ouais. Il y a une chanson, c'est Military, que j'ai composée. D'accord. Mais sinon c'est Clément qui compose la plupart des textes, et du coup sa plume en français est vachement, enfin moi en tout cas me plaît beaucoup. Mm-hmm. Elle me plaît beaucoup, et on a eu envie de, je pense que sur les compos qui vont arriver, de lui laisser en tout cas cette fenêtre ouverte, de se dire ok, tu peux composer autant en français qu'en anglais, nous on adore et on parce qu'en plus ça. Lui était rentré comme guitariste, il n'était pas censé chanter là-bas, je rappelle, donc chanter en anglais en plus, du coup c'était difficile pour lui de se dire merde, il faut que j'écrive des paroles en anglais et en plus il faut que je les chante. Ouais, parce qu'en plus il est pas forcément ultra à l'aise en anglais. Mm-hmm. C'est moi je suis un peu à l'aise en anglais, et je crois que je suis un des seuls du, enfin en tout cas des, je suis peut-être le plus à l'aise du groupe en anglais, et c'est Clément qui compose tout en anglais, donc c'est compliqué d'avoir de mettre un peu de finesse et un peu de poésie dans une langue qu'on maîtrise pas parfaitement. Mm-hmm. Et je trouvais qu'il s'en sortait bien, mais en français c'est vrai qu'il a quand même il a bien monté en poésie, en tout cas en finesse. Et Tabacoac, c'est le refrain seulement en basque, je crois. Ouais. Pourquoi? Ouais. Du coup, je sais même plus pourquoi on avait fait en basque, mais en tout cas, pareil, dans la question des langues, c'est aussi. Là, moi, personnellement, en tout cas, je fais une formation aussi pour. Enfin, en langue basque, pour me performer un peu là-dessus. Et du coup, pareil, ça fait partie des choses qu'on s'interdit pas, en tout cas, de pouvoir composer un peu en basque à l'avenir. Mais du coup, voilà, c'est vrai que ce morceau Tabacoac, moi, après, sans grande difficulté de traduction, ça veut dire le tabac, quoi, en français. Et du coup, dans l'anglais, en tout cas, ça parlait aussi de. Enfin, on voulait pas être trop gnagnant dans nos paroles, mais du coup, c'était plutôt un constat de tout ce qui allait pas un peu autour de nous, enfin, par rapport aux médias, par rapport aux politiques et tout ça. Et puis, bon, notre frère qui parlait du coup que l'alcool fait un tué et que la bêtise humaine aussi. Et donc, du coup, c'est tabac, c'est pas vraiment de raison au final, mais du coup, en basque, ça sonnait bien aussi de faire un petit refrain, de commencer un peu à écrire un peu en basque, parce que même si on est, du coup, rock, celtique, on fait en français, mais du coup, pourquoi pas aussi incorporer un peu de local dans nos décisions, enfin dans nos écritures. Et justement, le CD qu'on a sorti aussi s'appelle Baona, et du coup, dans sa construction, il y a du basque qui est incorporé, quoi. Donc je sais pas si j'explique maintenant, mais du coup bar en anglais c'est le bêlement, et vu que du coup on est un sheep and beer avec les moutons, enfin voilà, ça faisait un peu référence à ça. Ona en basque, du coup ça amène le côté bien, du coup on bêle bien, quoi, grosso modo on chante, on essaie de chanter, on bêle, on essaie de faire ça bien. Et du coup Baona, qui est assez proche de Bayona, qui veut dire Bayonne aussi, donc c'était un joli jeu de mots, franchement. Quand on voit l'évolution de la première chanson qui s'appelle Sheep and Beer, après c'est Beer, ça a duré 2 minutes de réflexion, et là du coup ça a duré, voilà, on sent que ça mature un peu, quoi. C'est ça. Tu parles de politique, c'est pas une question que j'avais prévue, mais effectivement je m'attendais à avoir un groupe assez porté avec des chansons qui s'appellent Sheep and Beer et Beer et Tabacoac, quelque chose d'assez festif et on se prend pas la tête, on s'en fout, tout ça. Et puis il y a Military, et puis il y a The Wave aussi, je crois, qui parle de ça. Vous êtes quand même assez parler de choses finalement politiques au-delà du simple côté festif, quoi. Mais c'est la beauté de beaucoup de chansons de rock celtique, au final, quand t'écoutes les paroles de la plupart des chansons de rock celtique, ils sont là il y a machin qui est mort, mais c'est trop bien, on va faire la fête. En fait, ils parlent de choses ultra tristes, c'est ultra dark. Il y a dans les chansons des Pogues et des Dubliners et de tous les papis du rock celtique, en fait, c'est super dark, mais ils disent ça, mais ils chantent ça joyeusement, et du coup ils font la fête. C'est un peu le mythe des Irlandais qui vont au mariage et qui se mettent une mine, qui vont à un mariage, ils vont se mettre une mine, ils vont à un enterrement, ils vont se mettre une mine, ils vont faire la fête à chaque fois, en fait. J'ai vécu 2 ans en Irlande et effectivement dans les pubs, enfin tu vois, tu peux, moi j'avais croisé un père en fait qui sortait lentement son fils et qui était avec nous au pub en train de jouer aux bières et enfin là quoi, c'était un passage pour changer les idées, pour faire autre chose et effectivement t'as les gens qui sont au pub pour mille raisons et des fois c'est passé d'un truc à la journée assez dark quoi, mais c'est un lieu de vie quoi. Et c'est pas parce qu'on chante quelque chose de joyeux et de dansant qu'il faut pas y mettre du sens. Je pense que c'est nous, on essaye d'y mettre du sens peut-être sur ce premier CD. Il y a certaines fois peut-être maladroite, mais le but c'est que ce qu'on chante ça ait du sens et que ça soit pas juste on va au bar et on s'amuse et puis j'ai croisé Michel, il était sympa. Enfin, c'est de raconter quelque chose quoi. Et sinon je trouve dommage, enfin je trouve moins intéressant de faire de la musique quoi. Si ça raconte rien quoi. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, on va faire une petite pause entre nos deux émissions. Pour vous chers auditeurs, ça va faire une pause de 2 semaines, mais bon c'est comme ça. Avant de nous quitter, l'émission sera diffusée le 3 mardi prochain pour nous. Vous avez des concerts de prévu je crois, peut-être faire un petit moment promo. Ouais, du coup nous on a un concert de prévu à Cambo-les-Bains, c'est à H de Bière, si je dis pas de bêtises, c'est pas ça. Du coup c'est le 14 janvier, me semble-t-il aussi. Et c'est un samedi ça ? Oui, ouais, c'est un samedi, c'est dans un bar à bière, du coup il y aura de la très bonne bière. Oui. Ça va être cool, moi c'est le village où j'ai grandi, donc j'ai bien envie d'y retourner pour faire un concert, je crois qu'on n'a jamais joué à Cambo, donc... Ça va être sympa, ça va être vraiment, vraiment sympa. Si les gens veulent jeter une oreille à ce que vous faites, comment on vous trouve sur internet facilement Ouais, bah sur Facebook, Instagram pour nous trouver. Après, du coup, on a balancé quelques musiques sur YouTube aussi. C'est qu'on mettra au fur et à mesure, je pense, les chansons de l'album. Et puis, du coup, on a un bandcamp aussi. Voilà, merci à Chabi le batteur qui s'est occupé un petit peu de tout ça. mais du coup, il y a un bandcamp aussi où on peut entendre un peu nos musiques et éventuellement prendre le CD en digital. Et puis voilà. Bah très bien, nous on va faire une petite pause avant d'attaquer la deuxième partie. Et vous chers auditeurs, donc concert le 14 à Cambo, 14 janvier à Cambo. Voilà, je vous dis dans 2 semaines. Salut. Salut.